J'ai fait trop de vieux mélanges, trip, rap, coursive. Je le suivais, mélange, pris des raccourcis. Il m'a semé sans éloge, il me promet brave coursi. La peine se loge, il prend mes bras pour cible. Enlisé sous un pont, comme en prison, l'oiseau m'égayait. Entre quatre cloisons, sous l'emprise d'un poison bégayé. Pour me juger, y'en aura qu'une. Là, je prends de l'âge et chante. Maman, pardonne mes lacunes si j'apprends à géchant. Elle est zen, forte comme un père trop bas les ailes. Moi, je m'agite au bord du gouffre comme un père trop bas les ailes. Frère, c'est ça l'espace à long. Si je crois pas au paradis, pourquoi croire à l'enfer? Et ça laisse place à l'ombre. Je l'ai vu sans peur prendre le dernier métro, le mauvais shoot. Le triste choix qu'un parent pleure et trop de mon méchou. Y'a écrit quoi derrière le rideau noir? Et un parfum de vie, plein de films, des débris de moi et un parfum de vide. J'ai fait une croix sur le trésor de la vie d'après. Et j'attends que le pire m'apaise du désordre. La lumière s'épanouit et puis s'abrège. Un grand vide se clash dans le cœur des hommes. J'ai fait une croix sur le trésor de la vie d'après. Et j'attends que le pire m'apaise du désordre. La lumière s'épanouit et puis s'abrège. Un grand vide se clash dans le cœur des hommes. Qui me fera face au dernier jugement? Tous ont crié à l'aide, mais quand l'orage tombe, le ciel est sûrement sourd. Muette et la colère, je me fous que les larmes coulent sans happy end. Finir en terre, belle aubaine pour qu'un arbre pousse. Dois-je prier Dieu si je crois en moi-même? À croire que tout l'est perdu, je t'aime mon fils, même si tu ressens l'inverse. Y'a rien à faire pour les cas comme nous. File te confesser selon la prophétie, paraît qu'il pardonne tout. Quelle est la cause de leur péché? On est des hommes, nous. Je pars en enfer, le majeur dressé. Grise mine sur terre, shit spliff d'herbe. Je suis dans comme ma santé à subir le système. Puni de naissance, délivré dès lors, je me saborde sur le Styx. Je brûle vif, belle mort. Le sage apprend à s'épargner des tentations. Court garçon, le temps te rattrapera de toute façon. J'ai fait une croix sur le trésor de la vie d'après. Et j'attends que le pire m'apaise du désordre. La lumière s'épanouit et puis s'abrège. Un grand vide se clash dans le cœur des hommes. J'ai fait une croix sur le trésor de la vie d'après. Et j'attends que le pire m'apaise du désordre. La lumière s'épanouit et puis s'abrège. Un grand vide se clash dans le cœur des hommes. Ni le ciel ni l'enfer ne me sauveront du jugement. C'est la seule corde à laquelle j'irai me suspendre. La rédemption n'a plus l'air disponible. Le diable m'observe en sirotant un gin tonic. Les regrets ne sont faits que pour me travailler. Au tiercé, j'ai misé sur les quatre cavaliers. Au final, je connais déjà son déluge. L'éternité me paraît plus longue que prévu. Les remords pleuvent et les cœurs s'appauvrissent devant le Créateur pour exhiber ma folie. J'ai toujours envoyé la vérité se faire foutre. Ce n'est pas pour les damnés que le ciel s'ouvre. Nous sommes nombreux à tremper dans le déshonneur. Penses-tu que Dieu soit vraiment satisfait de son œuvre? Je vous offre mon plan sur la comète. Personne ne me sauvera de ma propre colère. J'ai fait une croix sur le trésor de la vie d'après. Et j'attends que le pire m'apaise du désordre. La lumière s'épanouit et puis s'abrège. Un grand vide se clash dans le cœur des hommes. J'ai fait une croix sur le trésor de la vie d'après. Et j'attends que le pire m'apaise du désordre. La lumière s'épanouit et puis s'abrège. Un grand vide se clash dans le cœur des hommes.